Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En 1963, Marthe Robert retraçait pour la chaîne France 3 Nationale les grandes étapes de la vie et de l'œuvre de Freud dans une série de 28 émissions intitulée « La révolution psychanalytique ». Après avoir dans les premiers épisodes raconté l'enfance et la jeunesse de Freud, sa formation de médecin, sa rencontre avec Charcot à Paris et l'élaboration des premières bases de la pratique psychanalytique, elle s'intéressait dans le 13e volet à la fondation, au tout début du 20e siècle, de ce qui deviendrait bientôt la Société psychanalytique de Vienne. Bien que profondément seul dans les premiers temps de ses recherches, Freud fut en effet assez vite rejoint par plusieurs disciples qui se réunirent bientôt chaque semaine dans la salle d'attente de son cabinet viennois au 19 de la Berggasse. La société fut fondée en 1902, un an après la parution de « Psychopathologie de la vie quotidienne », livre consacré à l'étude de ces phénomènes banals tels que l'oubli, le lapsus ou l'acte manqué, et dont Freud montrait avec gourmandise comment, aussi bien que les symptômes névrotiques, il témoignait de l'existence de processus psychiques inconscients. Marthe Robert en résumait le contenu dans le 14e volet de la série. La révolution psychanalytique, 13e et 14e épisode, première diffusion sur France 3 Nationale, les 16 et 23 mars 1963. RTF France 3 Nationale présente en seconde diffusion La liberté coupable. La liberté coupable, deuxième série, La révolution psychanalytique. Une émission de Marthe Robert, réalisé par Raoul Auclair. Aujourd'hui, Michel Bouquet, Roger Brett, Jacques Bretonnière, René Farabet et Jean Muselli dans Naissance du mouvement. Malgré les documents que nous possédons sur cette époque, il n'est pas trop facile de reconstituer exactement les débuts de ce qui allait devenir la Société psychanalytique de Vienne. Sans doute parce que ni Freud, ni le petit groupe qui s'était réuni autour de lui, n'avaient conscience de former un mouvement dont l'histoire devrait être écrite un jour. Dans l'histoire du mouvement psychanalytique, ouvrage datant de 1914 que nous avons déjà cité, Freud se borne à rappeler succinctement comment, peu à peu, des jeunes gens se réunirent autour de lui et mirent fin à l'isolement qu'ils croyaient être à jamais son lot. À partir de 1902, quelques jeunes médecins se groupèrent autour de moi dans le dessein bien arrêté d'apprendre la psychanalyse, de l'exercer et de la répandre. L'impulsion vint d'un collègue qui avait pu expérimenter sur lui-même les effets heureux d'une cure. Nous convînmes de nous réunir chez moi un jour fixe pour discuter selon certaines règles, chercher à nous orienter dans ce domaine de recherche encore déroutant et amener d'autres personnes à partager notre intérêt. Un jour, un jeune homme frais émoulu d'une école professionnelle vint nous trouver avec un manuscrit qui témoignait d'une extraordinaire compréhension. Nous lui conseillâmes de refaire des études secondaires, de fréquenter l'université et de se consacrer aux applications non médicales de la psychanalyse. C'est ainsi qu'Otto Rank devint pour notre petit groupe un secrétaire actif et dévoué, et pour moi-même le plus fidèle des collaborateurs. Freud ne nomme pas ici le premier médecin qui exerça la psychanalyse après lui. C'est Rudolf Reitler, qui, avec Max Kahan, fréquentait depuis longtemps ses cours à la faculté. Le collègue auquel il attribue l'initiative du premier groupement est Wilhelm Steckel, un médecin atteint de graves troubles névrotiques qui, vers 1901 ou 1902, était venu se faire soigner par lui. Max Kahan quitta la société en 1907, sans avoir du reste été psychanalyste à proprement parler, puisqu'il n'employait pas la méthode. Quelques années plus tard, le départ d'Adler provoqua la première scission à l'intérieur du mouvement. Celui de Steckel, moins lourd de conséquences idéologiques, fut pour Freud une sérieuse cause de tracas. Au début, les nouveaux venus se réunissaient tous les mercredis soirs dans le salon d'attente de Freud et, pour cette raison, donnèrent à leur groupe le nom modeste de Société psychologique du mercredi. La plupart des membres n'ayant encore rien publié, à part Steckel, qui avait écrit un livre sur le coït chez les enfants, ont discuté principalement du travail de Freud et de problèmes purement théoriques. Steckel, qui collaborait comme feuilletoniste à un journal viennois, publiait chaque semaine le compte-rendu des discussions. En 1908, la Société psychologique du mercredi prit le nom de Société psychanalytique de Vienne. Pendant 2 ans encore, elle tint ses séances au 19 de la Bergasse, mais ensuite elle y fut trop à l'étroit et se transporta dans une salle du Collège des docteurs. Les premières années, l'existence de cette société qui s'accroissait lentement ne changea pas grand-chose à la vie quotidienne de Freud, qui, calculé avant tout pour les exigences du travail, était nécessairement très réglé. Amplement occupé par le traitement de ses malades et la composition de ses nombreux travaux, Freud vivait de la façon la plus simple, au milieu de sa famille et du cercle étroit de ses vieux amis, pour la plupart des médecins qu'il avait connus dans sa jeunesse. Ses distractions n'étaient pas variées, mais il y tenait, et ne les sacrifia jamais complètement, même quand il dut défendre sa vie privée contre les obligations importunes de la gloire. C'était une promenade quotidienne, dont il profitait pour renouveler sa provision de cigares, une partie de cartes, chaque samedi soir, avec ses amis, le professeur Königstein et le docteur Rie, puis, plus tard, avec ses propres enfants, quand ils furent en âge de devenir ses partenaires, de temps à autre, le théâtre ou l'opéra, mais rarement, et, surtout, la recherche d'objets archéologiques dont il avait commencé quelques années plus tôt à faire collection et qui, plus que toute autre distraction, tint une grande place dans sa vie. Cette passion de l'archéologie dénotait chez Freud un goût pour le passé qui ne se limitait pas à l'enfance de l'âme, mais, comme il le disait lui-même, allait à toutes les formes humaines de la préhistoire. Nous l'avons vu, il se comparait volontiers à ces explorateurs du passé qui ressuscitaient des mondes engloutis. Il trouvait dans leur vie et dans leur œuvre plus d'une ressemblance profonde avec les siennes. Ainsi, ses lettres à Fliss le montrent plein d'une sympathie intéressée pour l'histoire de la civilisation grecque de Burckhardt, ou encore pour l'Ilias de Schliemann, où l'auteur rapporte sa découverte de Troie ensevelie à un rêve d'enfance qui ne cessa de l'inspirer. « Cet homme, disait-il, a trouvé le bonheur en découvrant le trésor de Priam, tant il est vrai que la réalisation d'un désir infantile est seule capable d'engendrer le bonheur. Il revient souvent sur cette loi du bonheur qui explique sa passion de l'archéologie, tout comme elle domine sa recherche. » Le bonheur est la réalisation retardée d'un désir préhistorique. C'est la raison pour laquelle la richesse y contribue si peu. L'argent n'a pas fait l'objet d'un désir infantile. Le goût des voyages était pour Freud une passion non moins profonde, encore qu'elle eût été longtemps contrariée par le manque d'argent, et cette disposition intérieure que l'auto-analyse lui permet enfin de surmonter. Dans les premières années du siècle, les voyages deviennent un besoin d'autant plus naturel qu'ils sont le seul moyen d'échapper à une vie excessivement sédentaire. Le seul moyen aussi de s'évader de Vienne que Freud ait. Le climat de Vienne justifiait de très longues vacances d'été. La famille Freud passait généralement 3 mois à la campagne, plus ou moins loin de la capitale, selon la situation financière du moment. Freud la rejoignait vers la fin de juillet, mais le plus souvent repartait pour des randonnées qui le menaient un peu partout, en Allemagne, dans le Tyrol du Sud, surtout en Italie, où il allait presque chaque été. Ses programmes touristiques étaient tellement chargés et accomplis à une allure si vertigineuse que sa femme, qui en supportait mal la fatigue, finit par s'abstenir d'y participer. Ses compagnons de voyage furent alors sa belle-sœur Mina, Flis, à l'époque de leur congrès, son frère Alexandre, et beaucoup plus tard, sa fille cadette Anna, celle qui devait continuer son œuvre et que, dans sa vieillesse, il appelait avec reconnaissance son Antigone. Il fit aussi de nombreux voyages de vacances avec Sándor Ferenczi, le seul entre ses disciples qui devint vraiment son ami. L'un de ces voyages, du début du siècle, mérite de retenir l'attention parce que, pendant de longues années, il posa à Freud une manière de petite énigme dont la solution se trouve dans une lettre célèbre à Romain Rolland, publiée sous le titre de « Un trouble de mémoire sur l'acropole ». C'était en 1936, plus de 30 ans après l'épisode apparemment insignifiant qui faisait l'objet de l'analyse. Romain Rolland avait 70 ans, Freud 80. Très cher ami, vivement pressé d'écrire quelque chose pour célébrer votre 70e anniversaire, j'ai longtemps cherché un sujet qui fût en quelque manière digne de vous, qui exprima mon admiration pour votre amour de la vérité, votre courage de penseur, votre humanité, votre nature secourable, ou encore qui témoigna de ma gratitude envers le poète auquel je dois tant de joies élevées. Ce fut en vain. J'ai 10 ans de plus que vous. Ma production est tarie. Ce que je puis finalement vous offrir n'est que le don d'un homme appauvri, ayant jadis connu des jours meilleurs. Vous le savez, mon travail scientifique s'était donné pour but l'étude de certains phénomènes de la vie psychique, des phénomènes insolites, anormaux, pathologiques, ou plutôt de les rapporter aux forces psychiques à l'œuvre derrière eux et d'en mettre à nu les mécanismes actifs. Je l'ai d'abord tenté sur ma propre personne, puis sur d'autres, et enfin, par un audacieux empiètement, sur l'espèce humaine tout entière. L'une de ces expériences que j'ai faites moi-même en 1904, il y a de cela une génération, et que je n'avais jamais comprise depuis, mais sans cesse revenue en mémoire ces dernières années, sans que je susse d'abord pourquoi. Enfin, je me suis décidé à analyser ce petit épisode. Et je vous communique le résultat de mon étude, en vous priant naturellement d'accorder aux données de ma vie personnelle plus d'attention qu'elles n'en méritent d'autre part. Freud relate alors les circonstances de l'incident qui revient sans cesse le troubler. Il voyageait en Italie, avec son frère Alexandre, son cadet de 10 ans, et par conséquent du même âge que Romain Rolland, comme il ne manque pas de le relever. De Trieste, les deux hommes projetaient d'aller à Corfou et de s'y reposer quelques jours. Mais un ami les en détourna et leur conseilla d'aller plutôt à Athènes. Après avoir imaginé quantité d'obstacles à ce nouveau projet, qui, sans qu'ils sussent pourquoi, les rendait fort maussades, Freud et son frère prirent néanmoins des billets et se trouvèrent à Athènes, en quelque sorte, sans l'avoir vraiment décidé. J'étais sur l'Acropole, l'après-midi de notre arrivée, et quand j'embrassai le paysage du regard, il me vint subitement cette étrange idée. Ainsi, tout cela existe réellement comme nous l'avons appris à l'école. Ou pour décrire la chose plus précisément, la personne qui manifestait son sentiment se distinguait beaucoup plus nettement que d'ordinaire d'une autre personne qui, elle, enregistrait l'expression du sentiment. Et toutes deux s'étonnaient. Il est vrai que ce n'était pas de la même chose. La première faisait comme si, sous l'impression d'une observation indubitable, il lui fallait croire à quelque chose dont, jusque-là, la réalité lui avait paru incertaine. En exagérant quelque peu, elle faisait comme quelqu'un qui, se promenant en Écosse sur les bords du Loch Ness, verrait tout à coup devant lui le corps du célèbre monstre jeté sur le rivage et serait ainsi contraint de s'avouer « Il existe donc vraiment ce serpent de mer auquel nous n'avons jamais cru. » Mais l'autre personne s'étonnait à bon droit, parce qu'elle ne savait pas que l'existence réelle d'Athènes, de l'Acropole et de ce paysage eût jamais été un objet de doute. Elle eût été plutôt préparée à une expression d'exaltation et de ravissement. Selon le principe qu'il applique à la petite pathologie de la vie de chaque jour, états insolites, actes manqués, oubli, lapsus, Freud analyse son trouble de mémoire comme il le ferait d'un rêve. Il y trouve la déformation tendancieuse commune à toutes les productions psychiques de ce genre, la falsification apparemment innocente dont la cause, comme toujours, est à chercher dans le plus lointain passé. L'authentique et le faux se mêlent dans ce sentiment passager de dépersonnalisation, grâce à quoi Freud, sur l'Acropole, croit se rappeler que dans sa jeunesse, il doutait réellement de la réalité d'Athènes. Une fois de plus, c'est un souvenir d'enfance qui va rétablir la vérité. Ce n'est pas vrai que pendant mes années de lycée, j'ai jamais douté de l'existence réelle d'Athènes. Je doutais seulement de jamais voir Athènes de mes propres yeux. Aller si loin, faire si bien son chemin, me paraissait hors de toute possibilité. Ce sentiment était lié à la gêne et à la pauvreté de nos conditions de vie dans ma jeunesse. Et sûrement, mes rêves de voyage exprimaient aussi le désir d'échapper à l'atmosphère familiale, le même désir qui pousse tant d'adolescents à faire des fugues. J'avais depuis longtemps démêlé qu'une bonne part de mon envie de voyager tenait à ce désir d'une vie libre, autrement dit, à mon mécontentement au sein de ma famille. Quand on voit la mer pour la première fois qu'on traverse l'océan, des villes et des paysages réels dont on a rêvé longtemps comme de choses lointaines et inaccessibles, on se fait à soi-même l'effet d'un héros ayant accompli d'incroyables prouesses. Ce jour-là, sur l'Acropole, j'aurais pu dire à mon frère « Te souviens-tu de notre jeunesse ?» Tous les jours, nous faisions le même chemin pour aller au lycée. Le dimanche, nous allions sur le Prater ou dans un coin de campagne que nous connaissions déjà si bien. Et maintenant, nous sommes à Athènes. Nous voilà sur l'Acropole. Comme nous avons fait du chemin. S'il est permis de comparer de si petites choses avec des événements infiniment plus grands, Napoléon Ier, le jour de son couronnement à Notre-Dame, ne s'est-il pas tourné vers l'un de ses frères, je crois que c'était Joseph, l'aîné, en disant « Que dirait monsieur notre père s'il pouvait être ici maintenant ?» Et si nous nous demandons pourquoi nous nous étions gâchés d'être yeste le plaisir d'aller à Athènes, nous touchons à la solution du petit problème. Il faut admettre qu'un sentiment de culpabilité reste attaché à la satisfaction d'avoir fait si bien son chemin. Il y a là quelque chose d'injuste et interdit depuis toujours. Cela s'explique par la critique de l'enfant à l'endroit de son père, par le mépris qui a remplacé l'ancienne surestime infantile de sa personne. Tout se passe comme si le principal dans le succès était d'aller plus loin que le père, et comme s'il était toujours interdit de le surpasser. À ces motivations générales s'ajoute dans notre cas un facteur particulier, c'est que les thèmes d'Athènes et de l'Acropole contiennent en eux-mêmes une allusion à la supériorité des fils. Notre père avait été négociant, il n'avait pas fait d'études secondaires. Athènes ne signifiait pas grand-chose pour lui. Ainsi, ce qui nous empêchait de jouir de notre voyage était un mouvement de piété. Maintenant, vous ne vous étonnerez plus que le souvenir de cet incident sur l'Acropole revienne si souvent me hanter depuis que je suis vieux moi-même, que j'ai besoin d'indulgence et que je ne puis plus voyager. Dans cette lettre où il se peint mieux que ne le feront jamais ses biographes, Freud parle de l'année 1904 comme d'un moment où il est sûr du succès. En fait, c'était encore loin d'être la gloire, les 4 années qui venaient de s'écouler n'avaient pas changé grand-chose à sa position scientifique, mais ça et là, même à l'étranger, on lisait « La science des rêves », et la société psychologique du mercredi, si faible et disparate qu'elle fût encore, commençait réellement d'étendre son influence. Chaque année voyait augmenter le nombre de ses élèves, des Viennois venus un peu de tous les horizons, médecins et non-médecins, les uns poussés par la curiosité scientifique, les autres par des difficultés intérieures, une souffrance personnelle qui, en quelque sorte, authentiquait leur vocation. Dès le début de 1908, la société psychanalytique de Vienne comptait 32 membres. Et à partir de 1907, date importante du mouvement, elle reçut nombre de visiteurs étrangers, suisses, anglais, américains, allemands, qui allaient former le premier noyau de l'association internationale. La croissance un peu hasardeuse du mouvement, le recrutement tout à fait anarchique de ses membres qui, ne l'oublions pas, n'avaient pas pour s'accorder un dogme ou même une doctrine achevée, mais un homme seul, n'ayant pour appui que quelques idées sûres et sa géniale intuition. Enfin, le caractère particulier de cette science sans tradition ni passé, qui, pour se construire, renvoyait d'abord le chercheur à sa propre subjectivité, tout cela ne laissa pas de retentir sur le destin ultérieur de la psychanalyse, au point quelquefois d'en compromettre le succès. Pour éviter les dissensions qu'il prévoyait sans doute, et qui, de fait, ne manquèrent pas de se produire, Freud, au début, avait imaginé une procédure permettant à quiconque désirait quitter le groupe de le faire sans éclat ni gêne. Ernest Jones cite une circulaire de 1907 où il motive sa proposition. Je voudrais vous faire savoir que je me propose, dès le début de cette année de travail, de dissoudre la petite société qui avait coutume de se réunir chez moi tous les mercredis pour la reformer immédiatement après. Un simple mot adressé à notre secrétaire autorenque avant le 1er octobre suffira au renouvellement de votre carte de membre. Sans réponse de vous à cette date, nous estimerons que vous ne désirez plus faire partie de notre groupe. Je n'ai pas besoin de vous dire combien je serais heureux de vous voir rester parmi nous. Permettez-moi de vous donner les raisons d'un changement qui pourrait vous paraître superflu. Nous ne faisons ainsi que tenir compte des changements naturels dans les relations humaines, pensant que telle ou telle personne faisant partie de notre groupe pourrait ne plus donner à sa qualité de membre la même signification qu'auparavant, soit que son intérêt pour la question ait diminué, soit que ses loisirs et son mode de vie ne lui permettent plus d'assister à nos séances, soit encore que des raisons personnelles l'écartent de nous. Peut-être dans ce cas, ne reste-t-il membre de notre société que par crainte de voir considérer sa démission comme un acte inamical. C'est en envisageant tous ces cas que nous avons voulu dissoudre et reconstituer la société afin de rendre à chacun sa liberté personnelle et de lui permettre de rester en dehors de notre groupe sans que les relations avec les autres membres en soient perturbées pour autant. Si, après cette explication, vous trouvez opportun de reconstituer la société de cette façon, vous approuverez sans doute aussi que la même procédure se répète à intervalles réguliers, disons tous les 3 ans. Ce système n'était guère applicable à la longue. Et après 1910, il fut tout à fait abandonné. Sans doute Ernest Jones a-t-il raison d'y voir une preuve du tact de Freud, qui s'est toujours efforcé de ne pas intervenir dans les affaires délicates de la société, sans pouvoir, toujours, échapper à son rôle d'arbitre. On peut aussi l'interpréter comme un désir à demi avoué de changer la composition du groupe qui, à maintes égards, laissait fort à désirer. Que Freud n'ait pas ressenti une sympathie excessive pour certains de ses premiers adeptes, la chose est attestée par Ludwig Binswanger, le psychiatre suisse, qui vint à Vienne en 1907 et à qui Freud dit après une réunion « Vous avez vu cette bande ?» Un passage de l'histoire du mouvement psychanalytique exprime moins brutalement la même sorte de désillusion. Le petit groupe ne tarda pas à s'étendre et, dans le cours des années suivantes, changea souvent de composition. Dans l'ensemble, je puis dire que pour ce qui est de la richesse et de la diversité des dons, il le cédait à peine à l'état-major de n'importe quel professeur de clinique. Parmi les hommes qui le composaient, il y eut dès le début ceux-là même qui devaient jouer plus tard dans l'histoire de la psychanalyse un rôle si important, encore qu'il fût loin d'être toujours réjouissant. Mais à l'époque, cette évolution était imprévisible. Je pouvais être satisfait, et il me semble que j'ai fait tout mon possible pour rendre accessible aux autres ce que j'avais appris et dont j'avais l'expérience. 2 choses seulement étaient de mauvais augure qui, pour finir, m'éloignèrent intérieurement du groupe. Je ne réussis pas à établir entre les membres cette entente amicale qui doit régner entre des hommes ayant à accomplir une lourde tâche, pas plus que je ne parvins à étouffer les querelles de priorité à quoi les conditions du travail commun donnaient amplement prétexte. Les difficultés de l'enseignement de la pratique psychanalytique qui sont particulièrement grandes et portent la responsabilité de beaucoup de querelles actuelles se faisaient déjà sentir dans la société privée de Vienne. Moi-même, je n'osais pas imposer une technique encore inachevée et une théorie continuellement en formation avec cette autorité qui eût probablement épargné aux autres bien des erreurs et des déviations aujourd'hui définitives. La liberté des travailleurs intellectuels, leur précoce indépendance à l'égard de leurs maîtres, sont toujours satisfaisantes psychologiquement parlant. Elles n'offrent un avantage scientifique que lorsque ces travailleurs réunissent certaines conditions personnelles dont l'existence n'est pas trop fréquente. La psychanalyse, elle, justement, aurait dû exiger une longue et sévère discipline, une éducation en vue d'une maîtrise de soi-même. À cause du courage qu'il fallait pour se dévouer à une cause frappée d'un tel interdit et ayant si peu d'avenir devant elle, j'inclinais à passer aux membres de l'association bien des choses qui, autrement, m'eussent profondément choqué. Nous évoquerons en leur temps ces graves dissensions qui aboutirent tour à tour au départ d'Adler, de Jung, d'Otto Rank, et éloignèrent même de Freud le disciple qu'il chérissait comme un fils, Sandor Ferenczi. Ces querelles, débattues à grand fracas devant l'opinion publique, donnaient au dehors une assez fâcheuse image du mouvement, et il faut avouer qu'elles n'étaient pas de nature à faire taire les sarcasmes. Toutefois, on les comprendrait mal si on les comparait aux disputes internes d'un parti, car les diverses sociétés de psychanalyse ne se réclamaient pas d'un corps de doctrine achevé, mais de deux ou trois idées essentielles dont les développements étaient encore incalculables et qui, quoi qu'on pût penser, restaient étroitement liées à leur créateur. Freud lui-même s'est toujours élevé contre l'idée d'une orthodoxie. Ce qu'il voulait défendre dans la psychanalyse n'était pas un édifice idéologique complet et figé, mais un minimum de conception, faute de quoi le travail en commun ne lui paraissait pas possible. Ainsi, il écrit dans le manuel de psychanalyse de Marcuse, publié en 1926. La psychanalyse n'est pas comme un système philosophique qui part de quelques concepts fondamentaux rigoureusement définis, s'en sert pour embrasser la totalité du monde et, une fois achevé, n'a plus de place pour de nouvelles trouvailles ou des améliorations. Au contraire, elle reste liée aux faits qui surgissent dans son champ de travail. Elle tente de résoudre les problèmes immédiats de l'observation, continue son expérience à tâtons, est toujours inachevée, toujours prête à rectifier ou à modifier ses théories. Elle supporte aussi bien que la physique ou la chimie que ses concepts essentiels soient vagues et ses suppositions provisoires. Elle n'attend une définition plus rigoureuse que de son futur travail. Ainsi, la psychanalyse est et doit rester une science empirique. Elle ne peut donc pas donner naissance à une école, mais elle peut être pratiquée par tous ceux qui acceptent sans réserve ce que Freud, toujours dans le même manuel, pose comme ses principaux fondements. L'existence de processus psychiques inconscients, la théorie de la résistance et du refoulement, l'appréciation du rôle de la sexualité et du complexe d'Œdipe sont les principaux contenus de la psychanalyse et les fondements de sa théorie. Quiconque ne les accepte pas ne devrait pas se compter parmi les psychanalystes. On trouve exactement la même idée dans une lettre qu'il écrivait en 1917 à Georg Grodeck, un médecin et écrivain berlinois, qui, contrairement à tant d'autres, se refusait à grossir les rangs de ses disciples. Dans son merveilleux livre « Du ça », écrit avec autant de profondeur que de talent littéraire, Grodeck lançait pour la première fois l'idée même de la médecine psychosomatique. En même temps, il donnait un nouveau nom et une richesse imprévue à l'inconscient freudien. « Je constate que vous me priez instamment de vous certifier de façon tout officielle que vous n'êtes pas psychanalyste, que vous ne faites pas partie de la troupe de mes adeptes, mais que vous avez le droit de vous donner pour un homme à part, établi à son propre compte. Je vous ferai visiblement un grand plaisir en vous rejetant loin de moi, là où se trouvent les Adler, Jung et autres. Mais je ne le puis pas. Il faut que je vous réclame. Il faut que je vous donne pour un merveilleux analyste, ayant saisi à jamais l'essence de la chose. Celui qui considère la résistance et le transfert comme les pivots du traitement, celui-là appartient sans retour à notre farouche armée. Les luttes intestines du mouvement psychanalytique ont effectivement toutes tourné autour des quelques points, théorie de l'inconscient, de la résistance et du refoulement, importance de la sexualité et du complexe d'Œdipe, dont Freud exigeait qu'ils fussent acceptés sans réserve par quiconque se réclamait de lui. Chaque scission, en effet, a été motivé par l'abandon partiel ou total de ses conceptions ou encore par des déviations ou des extensions qui leur ôtaient tout leur sens primitif. Tantôt, comme chez Adler, la psychologie du conscient retrouvait son ancienne primauté, la névrose n'avait plus partie liée avec la sexualité infantile, mais avec de simples défectuosités organiques et des données de la vie sociale. Tantôt, comme chez Jung, l'inconscient individuel subsistait, mais désexualisé, noyé dans un inconscient collectif consolant où la métaphysique rentrait par une porte dérobée. Tantôt, dans le cas de Rank, le traumatisme de la naissance expliquait tout le mal humain par l'origine même de la vie, grâce à quoi on faisait l'économie du drame œdipien. Pendant plus de 30 ans, toutes ces hérésies, quelques vérités qu'elles puissent contenir en elles-mêmes, semblent n'avoir eu pour fin que de rétablir un état antérieur de la psychologie, en d'autres termes, d'annuler ingénieusement le scandale de la pensée freudienne. Et contrairement à ce qu'on penche souvent à croire, Freud ne fut pas toujours le premier à le pressentir. Reste à savoir pourquoi ces divergences donnèrent lieu à des ruptures si retentissantes, au lieu de se régler dans une paisible discussion d'idées. C'est qu'ici, comme en beaucoup d'autres domaines, mais de façon plus visible, les idées n'étaient pas la seule, ni même peut-être la vraie cause des conflits. Que la prétendue intransigeance de Freud, la tyrannie et l'entêtement dont on lui a fait si souvent grief, aient moins compté dans ses affaires lamentables que son autorité morale et spirituelle, qui faisait à ses élèves les plus doués une situation difficile, il n'est pas possible de le nier. Le fait est que Freud, qui a perdu en cours de route tant d'êtres auxquels l'attachaient des sentiments profonds, est resté lié toute sa vie avec des hommes fort différents de lui par leurs origines, leurs préoccupations scientifiques et la tournure de leurs pensées. Pour ne citer que deux cas, en l'occurrence deux cas exemplaires, Ludwig Binswanger et Oscar Pfister, l'un psychiatre, l'autre pasteur, surent lui garder une fidélité inébranlable à travers toutes les vicissitudes du mouvement, sans rien céder de leurs idées scientifiques ou de leurs convictions religieuses. Cette liberté affirmée avec tact, maintenue avec une sorte de grâce pendant plus d'un quart de siècle, Freud l'a sans aucun doute de beaucoup préféré à l'attitude de certains disciples qui le singeaient et dont la dévotion était parfois bien proche de la haine. À lire la correspondance qu'il entretint jusqu'à la fin de sa vie avec les deux hommes, on voit combien il en était touché et que ce n'est pas sa faute s'il ne l'a pas trouvé plus souvent. Ludwig Binswanger s'était donné pour tâche de jeter un pont entre la psychanalyse et la psychiatrie, ou plus exactement de créer entre les deux disciplines encore étrangères l'une à l'autre de solides bases de travail communes. Après les orages de sa rupture avec Jung, Freud avait songé un moment faire de lui le dauphin du mouvement, mais soucieux de sa carrière et de ses recherches psychiatriques, Binswanger n'était pas entré dans ses vues. La déception de Freud ne changea rien à sa chaleureuse amitié pour le jeune savant, et bien longtemps après, il eut à cœur de le lui confirmer. Nous sommes restés fidèles l'un à l'autre à travers tout un quart de siècle, mais c'était comme si cela allait de soi. Et nous n'en avons jamais fait grand bruit. Quant à Oscar Pfister, qui défendit toujours ses idées avec un tempérament vigoureux et beaucoup d'esprit, Freud l'appelait son cher homme de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, dont la notion même et l'existence lui avaient toujours paru fort improbables. Pfister, docteur en philosophie et théologien, fut le premier à appliquer la psychanalyse à la pédagogie. Il s'entendit à pratiquer la psychanalyse sans sacrifier les exigences de son ministère, qu'il exerça à Zurich jusqu'à sa retraite. Et s'il acceptait les remarques parfois très vives de Freud, surtout sur le chapitre de la sexualité, il savait aussi lui tenir tête et garder son franc-parler. Quand Freud publia « L'avenir d'une illusion », où la religion est traitée comme une névrose collective, Pfister riposta en écrivant « L'illusion d'un avenir ». Mais jamais la polémique entre les deux hommes ne prit ce tour hargneux auquel Freud était bien plus sensible qu'aux critiques. Un jour, Freud demanda malicieusement au pasteur pourquoi la psychanalyse n'avait pas été inventée par quelque homme pieux, mais par un juif absolument impie. Et Pfister répondit « Eh bien, parce que la piété ne fait pas encore le génie, et que les gens pieux n'étaient pas du tout dignes, pour la plupart, d'accomplir une telle tâche. Et puis d'ailleurs, premièrement, vous n'êtes pas juif, ce qui, vu mon immense admiration pour Amos, Isaïe, Jérémie, le poète de Job et l'Ecclésiaste, me fait vraiment beaucoup de peine. Et deuxièmement, vous n'êtes pas impie, car quiconque vit pour la vérité est en Dieu. » Quiconque lutte pour la libération de l'amour est, selon Jean 4,16, dans le sein de Dieu. Si vous éleviez à votre conscience le sentiment de votre insertion dans les grands ensembles universels, insertion qui, à mon avis, est aussi nécessaire que la synthèse des notes dans une symphonie de Beethoven est nécessaire à l'ensemble musical, je dirais aussi de vous, jamais il n'y eut de meilleur chrétien. RTF France 3 Nationale vous a présenté en seconde diffusion La liberté coupable. La liberté coupable, deuxième série, La révolution psychanalytique. Une émission de Marthe Robert, réalisée par Raoul Auclair. Aujourd'hui, Michel Bouquet, Roger Brett, Jacques Bretonnière, René Farabet et Jean Muselli dans Naissance du mouvement. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France 3 National le 16 mars 1963. Tout de suite, le 14e volet de cette série, diffusé la semaine suivante. La révolution psychanalytique. Une émission de Marthe Robert, réalisée par Raoul Auclair. Aujourd'hui, Michel Bouquet, Roger Brett, Jacques Bretonnière, René Farabet, Armélie Sartel et Jean Muselli dans Psychopathologie de la vie quotidienne. La science des rêves a été pour Freud le début d'une période extrêmement féconde, tant en ce qui regarde le nombre de ses œuvres que la diversité et l'originalité de leurs sujets. En fait, tous les livres publiés les années suivantes découlent de la théorie du rêve, soit directement, comme dans le fragment d'analyse d'une hystérie, où le rêve d'une malade devenue célèbre depuis sous le nom de Dora explique magistralement un cas fort obscur, soit indirectement, comme dans la psychopathologie de la vie quotidienne et le mot d'esprit dans ses rapports avec l'inconscient, où Freud découvre de profondes analogies entre les mécanismes des processus oniriques et ceux qui régissent certaines activités de l'état de veille. Même les trois essais sur la théorie de la sexualité, bien qu'ils aient une existence indépendante, doivent encore à la science des rêves leur première et décisive impulsion. La date de publication de ces différents ouvrages donne une idée fausse de leur genèse. En réalité, ils ont été conçus et même élaborés en même temps, entre 1897 et 1900, comme en font foi les lettres à Fliss, où les linéaments en sont déjà posés. Dès 1897, Freud s'intéresse aux mots d'esprit et fait collection d'histoires juives, d'abord par goût, puis pour comprendre ce qui le pousse lui-même à en raconter et à en parsemer ses écrits. En 1898, frappé d'avoir oublié apparemment sans raison le nom d'un poète qu'il connaît fort bien, il s'attache à résoudre cette petite énigme dont l'importance apparaît soudain dans le contexte de son auto-analyse. C'est le début de ses recherches sur les anomalies bénignes de la conduite de chaque jour, oublis inexplicables de noms et de faits, actes manqués, lapsus, erreurs d'écriture, faux souvenirs, toutes choses qui, comme le rêve, n'étaient jusque-là pour l'observation scientifique que des déchets dénués de toute valeur. Pendant toute cette période, Freud ressentait si vivement l'unité profonde de tous ses travaux qu'il rédigeait en même temps les trois essais sur la théorie de la sexualité et le mot d'esprit dont il avait disposé les manuscrits sur les tables contiguës. De fait, cette unité n'était pas seulement garantie par la continuité de ses préoccupations scientifiques qui, des années durant, tourneront presque exclusivement autour du rêve et de la sexualité, mais plus solidement encore par le travail qu'il avait entrepris sur lui-même et qui resta une des tâches de sa vie. Freud soulève pour la première fois la question de la psychopathologie de la vie quotidienne dans une lettre à Fliess, où il rapporte succinctement l'analyse de l'oubli d'un nom, celui du poète Julius Mosen. Ayant traité cet oubli sans conséquence comme un symptôme névrotique, Freud découvre qu'il avait refoulé le nom de Mosen pour des raisons personnelles précises, que le refoulement avait été déterminé par des raisons infantiles. Enfin, que les noms de remplacement qui lui étaient venus à l'esprit représentaient un compromis entre la force refoulante et les idées refoulées, analogue aux formations hybrides qui se produisent dans le rêve. Notons que Freud, ici, ne révèle rien du contenu même de l'analyse et que, par la suite, il ne joignit pas l'exemple de Mosen aux autres cas personnels de son recueil. Un autre exemple de nom propre oublié, celui-là accompagné d'une fausse réminiscence, a été traité tout à la fois dans une lettre à Fliess, dans un article publié par Freud en 1898 et dans le premier chapitre de la psychopathologie de la vie quotidienne, où il est donné comme un modèle de tous les troubles du même genre. Ernest Jones a cru y découvrir la trace d'un événement important de la vie de Freud, l'un de ceux sans doute qui l'avait incité à commencer sa propre analyse. Comme si souvent, Freud n'a publié qu'en partie les résultats de son interprétation. Il les résume brièvement dans sa lettre à Fliess, où, d'ailleurs, il se demande s'ils pourront convaincre le public. J'ai encore pu expliquer facilement un second exemple d'oubli de nom. Il m'était impossible de retrouver le nom du grand peintre à qui est dû le jugement dernier d'Orvieto, le plus grandiose que j'ai jamais vu. À la place de ce nom, me sont venus ceux de Botticelli et de Boltraffio. Mais je me suis rendu compte que c'était inexact. Enfin, le nom me revint à l'esprit. Signorelli, et tout de suite après le prénom Luca, preuve qu'il s'agissait d'un refoulement et non d'un oubli véritable. Je vois clairement pourquoi le nom de Botticelli s'est imposé à moi. C'était le mot « signor » qui se trouvait refoulé. Le « beau » dans les deux noms de substitution s'explique par le souvenir responsable du refoulement. Ce dernier avait trait à un incident survenu en Bosnie et lié à la phrase suivante. « Herr », c'est-à-dire « signor », »,« qui faire ?» J'oubliais le nom de Signorelli au cours d'une petite excursion que j'ai faite en Herzégovine, à partir de Raguse, en compagnie d'un avocat berlinois, Freyhau. En cours de route, notre entretien porta sur la peinture, puis sur la question de la mort et de la sexualité, qui devint ainsi le souvenir sous-jacent et refoulant. Les syllabes « trafio » constituent probablement une réminiscence de Trafoi, que j'ai visité lors de mon premier voyage. Mais comment ? Et à qui rendre tout cela plausible ? Malgré ses craintes de n'être pas compris, Freud se hasarda à publier le cas Signorelli dès 1898, 2 ans avant la science des rêves, par conséquent, et cela sans doute parce que l'oubli immotivé d'un nom lui paraissait bien propre à faire sentir la réalité du refoulement. Qu'est-ce qui explique la fuite obstinée d'un nom propre parfaitement connu, dont on dispose généralement à son gré ? Ou plutôt, qu'est-ce qui s'oppose à la reproduction correcte du nom cherché ? Et à quelle fin ? Celui qui cherche à se rappeler un nom qui lui a échappé retrouve dans sa conscience d'autres noms, des noms de substitution qu'il reconnaît aussitôt comme incorrects, mais qui n'en continue pas moins à s'imposer à lui obstinément. On dirait que le processus qui devait aboutir à la reproduction du nom cherché a subi un déplacement. S'est engagé sur une fausse route au bout de laquelle il trouve le nom de substitution, le nom incorrect. Je prétends que ce déplacement n'est pas l'effet d'un arbitraire psychique, mais s'effectue selon des voies préétablies et possibles à prévoir. En d'autres termes, je prétends qu'il existe entre le nom ou les noms de substitution et le nom cherché un rapport que l'on peut trouver. Et j'espère que si je réussis à le trouver, j'aurai élucidé le processus qui entraîne l'oubli des noms propres. Dans le cas de Signorelli, l'oubli du nom s'accompagne de circonstances banales, comme il arrive le plus souvent dans ces sortes de troubles. Freud est en voyage, il rencontre un avocat berlinois avec qui il n'est pas très lié, et qui, comme lui, se rend de Raguse en Herzégovine. En bavardant, il demande à son compagnon s'il est allé à Orvieto et s'il a vu les magnifiques fresques de... L'oubli du nom s'explique lorsque je me rappelle le sujet qui a immédiatement précédé notre conversation sur l'Italie. Il apparaît alors comme l'effet d'une perturbation du sujet nouveau par le précédent. Peu de temps avant que j'ai demandé à mon compagnon s'il était allé à Orvieto, nous nous entretenions des mœurs des Turcs habitant la Bosnie et l'Herzégovine. J'avais rapporté à mon interlocuteur ce que m'avait conté un confrère exerçant parmi ces gens, à savoir qu'ils sont pleins de confiance dans le médecin et pleins de résignation devant le sort. Quand il faut leur annoncer que l'état de tel ou tel malade de leurs proches est désespéré, ils répondent « Père, n'en parlons pas. Je sais que s'il était possible de sauver le malade, tu le sauverais. » Nous avons là deux noms, Bosnie et Herzégovine, et un autre, Herr, Signor, qui se laisse intercaler tous les trois dans une chaîne d'association entre Signorelli, Botticelli et Boltraffio. Puisque le refoulement ne visait pas le nom de Signorelli, ni rien de ce qui pouvait s'associer au peintre, Freud recherche ce qui a bien pu le motiver dans le sujet précédent de la conversation. J'admets que si la suite d'idées se rapportant aux Turcs de Bosnie, etc., a pu troubler une idée venant immédiatement après, c'est parce que je lui ai retiré mon attention avant même qu'elle fût achevée. Je rappelle en effet que j'avais eu l'intention de raconter une anecdote qui, dans mon esprit, voisinait avec la première. Ces Turcs attachent une valeur exceptionnelle au plaisir sexuel et, lorsqu'ils sont atteints de troubles, ils sont pris d'un désespoir qui contraste singulièrement avec leur résignation devant la mort. Un des malades de mon confrère lui dit un jour « Tu sais bien, Herr, que quand cela ne va plus, la vie n'a plus aucune valeur. » Je me suis toutefois abstenu de communiquer ce trait caractéristique, préférant ne pas aborder ce sujet scabreux avec un étranger. J'ai même fait davantage. J'ai distrait mon attention de la suite des idées qui auraient pu se rattacher dans mon esprit au sujet mort et sexualité. J'étais alors sous l'impression d'un événement dont j'avais reçu la nouvelle quelques semaines auparavant, durant un bref séjour à Trafoi. Un malade qui m'avait donné beaucoup de mal s'était suicidé parce qu'il souffrait d'un trouble sexuel incurable. Je sais parfaitement bien que ce triste événement et les détails qui s'y rattachent n'existaient pas chez moi à l'état de souvenir conscient pendant mon voyage en Herzégovine. Mais l'affinité entre Trafoi et Boltraffio m'oblige à admettre que, malgré la distraction intentionnelle de mon attention, je subissais l'influence de cette réminiscence. On voit que Freud recherche les mécanismes psychiques responsables de l'oubli de la même façon qu'il analyse un rêve pour en retrouver le contenu latent. C'est que, bien qu'il se passe dans des sphères apparemment fort différentes, les deux phénomènes ont en commun des traits essentiels, et en tout premier lieu, cette déformation des faits, grâce à quoi leur sens est véritablement trahi, c'est-à-dire à demi-exprimé, à demi-tu. Je suis obligé de voir dans cet événement l'effet de mobile psychique. C'est pour des raisons d'ordre psychique que j'ai interrompu ma communication sur les mœurs des Turcs, etc. C'est pour des raisons du même ordre que j'ai empêché de pénétrer dans ma conscience les idées qui s'y rattachaient et qui auraient conduit mon récit jusqu'à la nouvelle que j'avais reçue à Trafoi. Je voulais donc oublier quelque chose, j'ai refoulé quelque chose. Je voulais, il est vrai, oublier autre chose que le nom du maître d'Orvieto. Mais entre cette autre chose et le nom, il s'est créé un lien associatif de telle sorte que mon acte volontaire a manqué son but et que j'ai oublié le nom malgré moi, alors que je voulais intentionnellement oublier autre chose. Le désir de ne pas se souvenir portait sur un contenu. L'impossibilité de se souvenir s'est manifestée relativement à un autre. Le cas serait évidemment plus simple si le désir de ne pas se souvenir et la déficience de mémoire se rapportaient au même contenu. Les conclusions de cette première étude sont encore extrêmement prudentes. Freud ne dit pas que tous les oublis de nos propres sont justiciables de son explication, mais que, à côté des cas simples, décrits classiquement par les psychologues, il en existe d'autres où l'oubli est déterminé par le refoulement. La composition de la psychopathologie de la vie quotidienne fait ressortir avec une grande netteté la façon dont Freud progresse pas à pas dans ce nouveau domaine dont une expérience toute personnelle lui a ouvert l'accès, ayant acquis, en s'analysant lui-même, une certitude bien établie portant sur un groupe précis de phénomènes, ceux où l'oubli d'un nom propre s'accompagne d'une réminiscence erronée, il tente d'expliquer empiriquement d'autres formes d'amnésie bénigne, oubli de noms en langues étrangères, de mots et de suites verbales, pour s'attacher finalement à tous les troubles passagers du comportement auxquels, après lui, on donne le nom d'actes manqués. La composition même du livre montre à l'évidence que Freud ne l'a pas conçu de façon abstraite et hâtivement généralisée, mais au contraire, en approfondissant un fait apparemment infime de sa propre vie. Un oubli banal, l'une de ces erreurs que tout le monde fait sans s'y arrêter, lui a révélé ce qu'il voulait se cacher, les sentiments fort douloureux liés au suicide d'un malade. La certitude qu'il y a un lien entre ces deux ordres de choses de valeur si inégale lui donne le droit d'appliquer sa méthode à tous les troubles analogues. Pour trouver les exemples dont il avait besoin, Freud était d'ailleurs bien obligé d'utiliser les résultats de son auto-analyse, car il ne pouvait pas puiser dans le matériel que lui offraient ses malades, puisqu'il n'étudiait pas ici les manifestations de la névrose, mais les troubles en quelque sorte normaux de l'individu sain. Par la suite, ses élèves prirent l'habitude de collectionner pour lui des exemples de lapsus, d'actes manqués et d'erreurs symptomatiques de toute espèce, mais au début, les cas qu'il pouvait observer directement étaient rares. Celui qu'il rapporte au début du chapitre 2 est aussi démonstratif qu'amusant. Le petit incident se passe en été. Freud, toujours en voyage, rencontre un jeune homme juif qu'il connaît et qui a quelques notions de ses travaux. Le jeune homme se répand en plaintes amères sur la condition inférieure à quoi le condamne sa qualité de juif, et termine sa diatribe par le vers de Virgile où Didon en appelle à la postérité qui la vengera de l'outrage que lui a fait subir Énée. Il voulut dire exoriare, mais ne pouvant pas reconstituer la citation, il chercha à dissimuler une lacune évidente de sa mémoire en intervertissant l'ordre des mots. Exoriar ex nostris socibus ultor. Il me dit enfin, fort contrarié, je vous en prie, ne prenez pas cette expression moqueuse, comme si vous preniez plaisir à mon embarras. Venez-moi plutôt en aide. Il manque quelque chose à ce vers. Voulez-vous m'aider à le retrouver? Très volontiers. Exoriar aliquis nostris ex socibus ultor. Oh, mais que c'est stupide d'avoir oublié un mot pareil. Au fait, à vous entendre, on n'oublie rien sans raison. Mm-hmm. Je serais très curieux de savoir comment j'en suis venu à oublier ce pronom indéfini, aliquis. Nous allons voir. Je vous prie seulement de me faire part loyalement et sans critique de tout ce qui vous passera par la tête lorsque, sans aucune intention définie, vous dirigerez votre attention sur le mot oublié. Fort bien. Ah ben voilà qu'il me vient l'idée ridicule de décomposer le mot en a et en liquis. Qu'est-ce que cela signifie? Je n'en sais rien. Quelles sont les autres idées qui vous viennent à ce propos? Reliques, liquidation, liquide, fluide. Cela vous dit-il quelque chose? Non, rien du tout. Continuez. Je pense à Simon de Trente, dont j'ai vu les reliques à Trente il y a 2 ans. Je pense aux accusations de meurtre rituel qui, en ce moment précisément, s'élèvent de nouveau contre les Juifs. Je pense aussi à l'ouvrage de Klein Powell, qui voit dans ses prétendues victimes des Juifs des incarnations, autant dire de nouvelles éditions du Sauveur. Cette dernière idée n'est pas tout à fait sans rapport avec le sujet dont nous nous entretenions avant que le mot latin vous ait échappé. C'est exact. Je pense aussi à un article que j'ai lu récemment dans un journal italien. Je crois qu'il avait pour titre « L'opinion de saint Augustin sur les femmes ». Quelle conclusion tirez-vous de tout cela? J'attends. Et maintenant, il me vient une idée qui, elle, est certainement sans rapport avec notre sujet. Je vous en prie, abstenez-vous de toute critique. Vous l'avez déjà dit. Je me souviens d'un superbe vieillard que j'ai rencontré la semaine dernière au cours de mon voyage. Un vrai original. Il ressemble à un grand oiseau de proie. Et si vous voulez le savoir, il s'appelle Benoît. Voilà du moins toute une série de saints et de pères de l'Église. Saint Simon, Saint Augustin, Saint Benoît. Et un autre père de l'Église s'appelait, je crois, Origène. Trois de ces noms sont d'ailleurs des prénoms. Comme Paul dans Klein, Paul. Et maintenant je pense à Saint Janvier et au miracle de son sang. Enfin, tout ça suit mécaniquement. Laissez ces remarques. Saint Janvier et Saint Augustin font tous deux penser au calendrier. Voulez-vous bien me rappeler le miracle du sang? Volontiers. Dans une église de Naples, on conserve dans une fiole le sang de Saint Janvier, qui par miracle se liquifie de nouveau tous les ans, à l'occasion d'un certain jour de fête. Le peuple tient beaucoup à ce miracle et se montre très mécontent quand il est retardé, comme ce fut le cas une fois lors de l'occupation française. Le général commandant, n'était-ce pas Garibaldi, prit alors le curé à part et lui montrant d'un geste significatif les soldats rangés dehors, lui dit qu'il espérait que le miracle n'allait pas tarder à s'accomplir. Et il s'accomplit en effet. Et ensuite? Mais continuez donc, pourquoi hésitez-vous? Je pense maintenant à quelque chose, mais c'est une chose trop intime pour que je vous en fasse part. Je ne vois d'ailleurs aucun rapport entre cette chose et ce qui nous intéresse. Et par conséquent, aucune raison de vous la raconter. Pour ce qui est du rapport, ne vous en préoccupez pas. Je ne puis certes pas vous forcer à me raconter ce qui vous est désagréable, mais alors ne me demandez pas de vous expliquer comment vous en êtes venu à oublier Aliquis. Vraiment, vous croyez? Bon, eh bien, j'ai pensé tout à coup à une dame dont je pourrais facilement recevoir une nouvelle aussi désagréable pour elle que pour moi. La nouvelle que ses règles sont arrêtées. Comment avez-vous pu le deviner? Ce n'était pas bien difficile. Vous m'y avez suffisamment préparé, me rappelez-vous. Tous les saints du calendrier dont vous m'avez parlé, hein? Le récit sur la liquéfaction du sang s'accomplissant un jour déterminé. Sur l'émotion des assistants lorsque cette liquéfaction n'a pas lieu. Sur la menace à peine déguisée que si le miracle ne s'accomplit pas, il arrivera ceci et cela. Vous vous êtes servi du miracle de Saint-Janvier d'une façon remarquablement allégorique, comme d'une représentation imagée de ce qui vous intéresse concernant les règles de la dame en question. Et je l'ai fait sans le savoir. Mais croyez-vous vraiment que si j'ai été incapable de reproduire le mot aliquis, c'était à cause de cette attente anxieuse? Cela me paraît hors de doute. Rappelez-vous seulement votre décomposition du mot en a et liquis. Et les associations reliques, liquidation, liquide. Dois-je encore faire entrer dans le même ensemble le Saint-Simon sacrifié alors qu'il était encore enfant et auquel vous avez pensé après avoir parlé de reliques? Mieux vaudrait vous en abstenir. J'espère que si j'ai réellement eu ces idées, vous ne les prenez pas au sérieux. Je vous avouerai en revanche que la dame dont il s'agit est une Italienne, en compagnie de laquelle j'ai d'ailleurs visité Naples. Mais ne s'agirait-elle pas dans tout ça de circonstances fortuites? À vous de juger si toutes ces coïncidences se laissent expliquer par le seul hasard. Mais je tiens à vous dire que toutes les fois que vous voudrez analyser des cas de ce genre, vous serez infailliblement conduit à des hasards aussi singuliers. L'analyse du cas Aliquis met en lumière la vraie raison de l'oubli. C'est que le jeune homme était en proie à deux mouvements contraires et que, partagé entre son désir d'une postérité qui le venge et son refus d'une paternité importune, il ne peut exprimer entièrement ni l'une ni l'autre de ses pensées. Freud démontre qu'il en va de même pour tous les actes manqués, qu'ils affectent la mémoire, le langage ou certaines conduites insolites de la vie. Lapsus, erreur d'écriture et de lecture, oubli d'impression et de projet, méprise, maladresse, fausse reconnaissance, tout cela résulte de l'interférence de deux intentions dont l'une est manifeste, l'autre refoulée et par la même génératrice de désordre. Ainsi, la condition nécessaire de tout lapsus est le refoulement d'un énoncé que l'interlocuteur ou le sujet lui-même pourrait juger indécent, blessant ou incongru. Étant de la sorte supprimé dans le discours, la tendance refoulée se manifeste malgré la personne qui parle, soit en modifiant la tendance avouée, soit en se confondant avec elle, soit en prenant tout simplement sa place. Grâce au lapsus qui en résulte, la tendance refoulée satisfait aux exigences de la censure, tout en se frayant une voie vers un début d'expression. Comme le rêve, l'acte manqué est donc un compromis entre deux intentions antagonistes qui veulent s'exprimer ensemble et ne le peuvent qu'au prix d'une sorte de concession mutuelle, en provoquant une déformation, une faille ou une apparente incorrection de pensée. Comme le rêve, il résiste sournoisement à l'analyse, de telle sorte que l'intéressé lui dénie en général toute valeur, tandis que la victime ou le témoin d'un oubli, par exemple, n'est jamais bien loin d'en comprendre le sens. Les nombreux exemples de lapsus et autres erreurs cités par Freud sont trop connus pour qu'il soit nécessaire de s'y arrêter. Ce sont eux qui ont le plus fait pour populariser les idées élémentaires de la psychanalyse, et si aujourd'hui il n'est plus possible d'excuser une bévue par un oubli ou une distraction, c'est la psychopathologie de la vie quotidienne qui en est cause, même pour ceux qui ne l'ont pas lu. Les petits manquements quotidiens, les aberrations inoffensives qui font ressembler l'homme le plus normal à une sorte de dément temporaire, y sont décrits et étudiés avec tant de pénétration que sur ce point au moins, le lecteur le plus réfractaire à l'explication psychanalytique semble abandonner toute résistance. Sans doute, il faut plus que s'amuser de quelques lapsus pour accepter la pensée de Freud dans son entier. Il n'empêche que la vogue de ce livre unique en son genre marque un changement considérable dans les esprits et que, à ce titre, elle demeure un fait historique. Pour Freud lui-même, la psychopathologie de la vie quotidienne devait créer un trait d'union entre la pathologie et la psychologie de l'homme normal, deux domaines jusque-là rigoureusement séparés, dont, pour la première fois, il montrait les racines communes et les démarcations incertaines. C'était comme une variante spirituelle et plus accessible de la science des rêves aux confins obscurs du quotidien et de l'irréel. Si bizarre que cela puisse paraître au lecteur d'aujourd'hui, ce livre plein de gaieté, tout entraîné par la joie de la découverte, était pour Freud quelque chose comme un journal intime où, une fois de plus, il tâchait de régler ses comptes avec lui-même. Sans doute, la confession a ici un ton d'impersonnalité sereine qui donne le change sur son caractère dramatique. Mais que l'on pense aux exigences intérieures de Freud, à la sévérité de ce qu'on pourrait appeler son surmoi scientifique, et l'on comprendra ce qu'il dut lui en coûter de relever une à une toutes les erreurs de noms, de dates, de références et de citations qu'il avait laissées passer dans la science des rêves, non pour s'en excuser, mais pour en exposer les raisons et avouer ainsi son trouble. À part la science des rêves, il n'est guère d'ouvrage scientifique qui ait su mêler avec autant de vérité l'observation stricte des faits et l'émotion vibrante de l'aveu. La personne invisible qui, à l'époque de la vie quotidienne, perturbe les actes et la pensée de Freud, fausse ses gestes et sème les erreurs jusque dans ses écrits, c'est à n'en pas douter Wilhelm Fliess, dont l'amitié en cette année 1901 est déjà bien proche de la haine. Dira-t-on que Freud écrivit son livre pour se faire comprendre de son ami, se plaindre de son abandon et se justifier, comme d'autres le font en composant un roman ou un poème? La lettre à Fliess, qui accompagnait l'envoi de l'ouvrage, donnerait presque le droit de le penser. Il est impossible de nous dissimuler que toi et moi, nous nous sommes éloignés l'un de l'autre. Toutes sortes de petites choses me le font voir. Tu atteins là les limites de ta perspicacité. Tu prends parti contre moi en disant que celui qui lit dans la pensée des autres n'y trouve que ses propres pensées, ce qui ôte toute valeur à mes recherches. S'il en est ainsi, jette sans la lire ma psychopathologie dans la corbeille à papier. Il y a dans ce livre des tas de choses qui te concernent, des choses manifestes pour lesquelles tu m'as fourni des matériaux et des choses cachées dont la motivation t'est due. Tu m'as fourni aussi l'épigraphe. Quelle que soit la valeur durable de cet ouvrage, tu y trouveras la preuve du rôle que tu as joué jusqu'à présent dans ma vie. Après une pareille déclaration, il m'est sans doute permis de te l'envoyer dès que je l'aurai entre les mains, sans un mot de plus. Vous pouvez réécouter ces émissions ou les télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.